L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Le mot de bombardement, ça me... Le mot me fascine, en fait. Bombe, une bombe me fascine. Donnez-moi une bombe. C'est pas le pouvoir, c'est peut-être même... Ça peut être une sorte d'audace. Donnez-moi une bombe, j'ai pas peur. Tout ça, ça peut être même très poétique. Comme le mot de guerre. Dès qu'on part de la guerre, on commence pas à trembler, forcément. Même si on dit que la guerre... Parce qu'avant... J'avais trop peur. La guerre, pour moi, c'est l'apport. C'est pas la méchanceté. C'est vraiment l'apport qui se présente, qui disparaît, qui se présente, qui se disparaît constamment. La bombe aussi était ça. C'était inattendu. Il commençait à exploser et tout d'un coup, il n'existe plus rien. Et ça, ça me faisait peur. Grandir avec la guerre. La mélancolie des bombardements. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment sur est-ce que les enfants qui ont grandi pendant la guerre continuent à vivre cette guerre-là ? Et la réponse est oui, définitivement, à chaque seconde, à chaque minute, et jusqu'à la fin. Et je pense que les souvenirs, ils sont là, les dégâts, ils sont là, les blessures sont là et elles ne cicatriseront pas. Ça va continuer toute la vie. Ce n'est pas une affaire de tant de guerre et tant de paix. Liban, Iran, Algérie, Seconde Guerre mondiale, ils ont vécu leur enfance pendant la guerre. Ils ont fait comme font les enfants, ils ont rêvé, ils ont joué, mais au fond, ils étaient comme les adultes. Ils tenaient bon. Alors depuis, comment se sont-ils construits avec la peur et la violence comme souvenir? Ils sont des enfants de la guerre, pour toujours. Par exemple, une fois, j'ai rêvé que j'étais en train de faire apprendre le kung-fu par un ami, parce qu'il me disait, c'est la fin du monde, il faut se préparer. Elika. Mais en fait, on s'envolait. On était en train de s'envoler sur une sorte de ville, mais qui n'était plus une ville, mais des ruines. Ce rêve, c'était il y a 4-5 ans. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, avec mon compagnon, on dormait tous les deux, on s'est réveillés. En fait, on avait rêvé tous les deux de la guerre, mais à chacun indifféremment, en fait. Et je crois que si je vis jusqu'à 100 ans, j'aurai jusqu'à 100 ans des cauchemars, je me réveille. Jacques. Je revois des Allemands, je revois comme Cora Pereit, que je me sauve, que ça revient. D'ailleurs, si vous êtes rentré dans mes water, vous avez peut-être remarqué que 70 à 80% des livres, ce sont des livres sur la déportation, sur l'hitlérisme, sur le racisme, sur l'antisémitisme. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Oui. Par exemple, au début, Rezvan, quand je suis venue à Paris, j'avais très peur des alarmes. Le premier mercredi de mois, c'est la sirène. Oui. La sirène de mercredi, ça me fait toujours un peu peur. Et j'ai parlé avec d'autres amis iraniens qui me disaient la même chose. C'était une sirène qui rappelait qu'on est dans une situation dangereuse et il faut aller aux abris, il faut aller dans les caves et tout. Il faut que tu sois rapide. Wake up. Ça dure même pas une seconde, c'est un instant. C'est un moment de stress qui arrive comme ça, mais ça part après. Ou alors, par exemple, j'ai tendance à sursauter s'il y a un événement ou un bruit ou quelque chose qui est stressant. Parfois, on a seulement envie d'avancer et de se dire, bon, ben, C'est une mésaventure, c'est des circonstances un peu difficiles. Mais je vais aller de l'avant et je vais faire en sorte de me dire rien de tout ça n'a existé. Dima. Le fait est que ça ne fonctionne pas et que et qu'on a la mémoire qui vient frapper à la porte tout le temps pour nous rappeler ce qu'on a été, pour nous rappeler des sensations, des chagrins, des peurs, des colères. Et il faut composer avec ça. Je pense que c'est ça, la vie de guerre. C'est comme la cicatrice qui reste. C'est comme un tatouage que vous avez quelque part, mais vous ne voyez pas tous les jours. Mais quand vous êtes devant un miroir, tout nu, tout d'un coup, vous revoyez ce tatouage et cette cicatrice. Et vous dites, ah, ok. Et inconsciemment, vous l'avez tout le temps. Il est présent partout. Aux premières détonations, personne n'a réagi dans la classe. C'est à peine si la maîtresse a arrêté de parler quelques secondes. Le bruit semblait encore lointain et irrégulier. Moi, je n'écoutais plus rien de ce qu'elle disait et je priais ciel et terre pour que les tirs s'intensifient et que le bruit se rapproche. Quand le visage de la maîtresse s'est crispé, j'ai tranquillement commencé à ranger mes affaires dans mon cartable, avant même qu'elle nous le demande. Avant de donner l'ordre de sortir de la classe, elle prend toujours la peine de dire aux enfants « Ce n'est pas grave, il ne faut pas paniquer », sans en perdre son français, ce à quoi la classe entière répond toujours par des cris d'effroi en chœur et en arabe. Je voudrais souligner quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que ma narratrice est née pendant la guerre. Et je crois que ça fait une différence énorme par rapport à un adulte qui a connu le pays en temps de paix et qui voit cette guerre déferler d'un coup. C'est-à-dire que cet enfant qui est bien sûr atteinte et traumatisée par ce qui l'entoure, finalement, elle n'a pas d'autre référent. Sa norme à elle, c'est un pays en guerre. Vu qu'elle n'a jamais rien connu d'autre, sa vie d'enfant se passe d'une manière plus ou moins normale, avec les parties de cache-cache, avec les disputes avec le petit frère, toutes les choses qu'on vit quand on est enfant. Et elle est bien contente finalement de se retrouver parfois dans les abris, parfois dans la cage d'escalier parce qu'elle va être avec ses parents. Elle va être entourée d'enfants dans les abris pour jouer. Donc c'est très sourd. C'est une souffrance qui est très sourde et qui n'est pas formulée. En cela, elle n'est pas moins grave. C'est une fois... je pense qu'elle grandit et qu'elle se rend compte ce que c'est qu'une vie, on va dire, à peu près normale, qu'elle prend conscience de son enfance. En tout cas, du fait que ce n'était absolument pas normal. و خوابیدم خیلی هیجان انگیز شد چون میتونستیم جیغ بزنیم دیگه کسی دعوام نمیکردیم مثلا ساکت باش جیغ نزنیم ولی تو مدرسه از آژیر من خاطرهای خیلی بد دارم به خاطر اینکه خب جوها که آژیر میزدن میدوندنمون همه رو من مدرسه خیلی پرجمعیتی میرفتم اون موقع بعد این بچه کوچولوها میموندن زیر دستورها. La guerre n'était qu'une blague pour moi, un jeu, je ne comprenais rien. Mais là-bas, au nord, pour la première fois, dès qu'il y avait une porte qui claquait, ça me faisait très peur. Une de nos tantes nous avait appris à chanter pendant la sirène, pour qu'on ne l'entende pas. Nous étions contents, car on pouvait crier sans être puni. Mais à l'école, j'ai que des mauvais souvenirs. Car dès qu'il y avait la sirène, on nous poussait pour descendre au sous-sol. Et les plus petits étaient toujours écrasés. Ma mère qui prenait les passeports, les cartes d'identité, l'argent dans une sorte de banane. Elle était à un moment enceinte de ma sœur, elle prenait nos mains et on courait. On était avec des personnes les plus riches du quartier ou des plus pauvres, des gardiens et tout. En fait, j'étais fascinée que pour une fois, tout le monde sont dans la même maison. Ça veut dire qu'on partage le même jardin qui est ensemble et on joue tous ensemble. Et il y a des parents. Il y avait un truc. Bon, en même temps, j'avais peur. Je voyais que les gens ils crient et courent. À chaque fois, le point de départ était différent. Mais le point d'arrivée, c'était toujours un abri qui ressemblait à un souterrain qui était construit de la même manière, qui était toujours pareil. Je me souviens au moment où il y avait la sirène diffusée à la télé où il fallait quand même aller au sous-sol se réfugier parce qu'il y avait le risque de bombardement. C'était un moment stressant, mais c'était aussi un moment de jeu parce qu'il fallait courir, aller en bas. En fait, mon grand-père a carrément transformé le sous-sol à un endroit pour pouvoir dormir, faire du thé, manger, etc. Et c'était très excitant. Et des fois, il y avait les cousins qui venaient et puis on pouvait rester avec eux, dormir ensemble. Donc c'était ça qui était la partie un peu joyeuse. که بعد یادم میخواد شش شیشه ها اینا رو میخوای بشنوی؟ آره شیشه ها میدرزه رو بینیم کفتر هم داشتیم کفتر هم خودم میدونیم که من یادم دستم که میدستم یه تنه کفتری که دستم میدونیم تپش قلب این اصلا یه چیز قریبی بود. Nous sommes restés à Téhéran pendant la guerre. Au moment des bombardements, on allait à la salle de bain. Elle était au milieu de la maison. Je me rappelle que les vitres, ça tremblait. Tu veux savoir tout ça? T'es sûre? Et les vitres tremblaient. Nous avions un pigeon que nous emmenions avec nous. Je me souviens qu'en le prenant dans mes mains, je sentais son battement de cœur. La guerre, c'est étrange, en fait. Je sais pas, moi, je l'ai vécu étrangement par les différentes façons. Déjà, l'idée que ma mère était enceinte, ma sœur. Après, mon père, à un moment, elle est partie. Ils ont l'appelé, en fait, parce qu'on a besoin qu'il soit présent au front. Et les écoles étaient fermées, c'était triste. C'est drôle parce que, avec ce qui s'est passé à cause de Corona, ça m'a rappelé tout ce moment-là. Suivi le confinement, et il faut faire des cours par distance et tout. Je dis waouh, c'est comme à l'époque. Je dis à ma mère, elle disait il faut que tu ailles à l'école. Je dis mais j'ai rigolé, mais c'est quoi aller? Ça me fait toujours rire. Il faut que tu ailles à l'école, ça veut dire quoi? Parce que tu dois imaginer ton école en restant sur ton canapé chez toi face à la télé, donc tu parles avec une présence qui n'est pas présente. Mais pour moi, ce moment était très gai, parce que oui, c'était très bien de ne pas aller à l'école. Et après, il y avait des moments très difficiles, il y avait des... Quand ils m'ont dit que Téhéran est très dangereux et il faut partir. Moi, mes parents, ils sont restés à Téhéran, mais ils m'ont envoyé chez ma grand-tante dans une petite ville, trop moche, d'ailleurs Karaj. Je détestais là-bas, je détestais tout. Je détestais que les uniformes ne sont pas pareils. Et chacun y met un truc déchiré, mais pas joli. Les gens de Sud, parce que Sud était très, très touché. Il y avait une fille qui venait à l'école et disait, mais tu vois ça? Ça, c'est... ça, c'est notre maison. Hop! Il n'y a plus. Tu vois, ça, c'était ma chambre, mais on ne l'a plus. En fait, il montrait sa maison en disant, ah, photo. Oui, en photo, on n'a plus. Donc c'était un peu... Ça, c'était le moment dur. Sans mes parents, j'en avais que 6 ans. J'avais envie de vivre quelque chose de plus gai, limite de rigoler avec mes amis malgré le danger. Être 4, 5 derrière des banquettes, c'était horrible. Mais à quoi ça sert étudier? En fait, je ne comprenais pas pourquoi on doit étudier. Ça me rappelle parce qu'en Iran, on a plusieurs... dans la langue persane, pas forcément l'Iran, on a plusieurs S. Donc, selon de Sabrine, Sandrine, Sandra, on n'écrit pas avec le même S. Et on a un Sad, que le prénom de Saddam commence avec ça. Et à l'école, on dit Sad comme Saddam. Je dis, mais pour qu'on se souvienne. Écrit Sad comme Satan. C'était pff, Satan qui va détruire ta maison, qui t'a obligé que tu fuir, qui t'a obligé que tu quittes le pays, que les familles sont déchirées. J'avais toujours peur de Satan jusqu'au le moment qu'il meurt. Saddam Hussein, oui, je disais, mais il a un sac à dos avec plein de bombes sur lui. Et il me suit dans les petites ruelles. Et il y a un moment, il attend que je sois seule. Et tout d'un coup, pouf, il balance une bombe. À chaque fois, je regardais derrière moi, est-ce qu'il est là? Mais après, quand il a décédé, j'étais contente. Je me suis dit, bon, la peur n'existe plus. Je ne sais pas combien de temps nous allons encore rester ici. C'est des amis de mes parents qui, ayant momentanément fui dans je ne sais plus quel pays du Golfe, nous ont prêté leur appartement. C'est dans un des quartiers chics de Beyrouth, proche de la mer. Nous sommes arrivés là avec très peu de bagages et d'objets qui nous appartenaient. Le dernier souvenir que j'ai de notre appartement d'avant est le mur du fond de ma chambre qui donne désormais chez les voisins. Alors c'est logique qu'on soit parti. Je n'ai rien récupéré de mes affaires et de mes jouets, mais ce n'est pas grave. Je joue avec les jouets des enfants qui ont habité ce nouvel appartement avant moi. Je me rappelle ma joie quand j'ai découvert en arrivant, dans une armoire, la cuisine équipée complète de Barbie, avec un évier au robinet qui fait couler de l'eau pour de vrai, et une machine à laver à pile qu'on peut faire fonctionner comme une vraie, en y mettant de l'eau et du savon. C'est ce qui m'a le plus plu dans cet appartement, ça et la grande table de la salle à manger, sous laquelle on joue, mon frère et moi, au mécanicien qui répare une voiture. On s'allonge en dessous, sur le dos, comme les mécaniciens sous les voitures, et on joue des heures entières à faire semblant de réparer la table avec nos outils de bricolage en plastique. Je crois qu'il n'y a même pas un doudou qui a survécu à nos fuites. Donc, quand vous ne grandissez pas toujours dans les mêmes meubles, avec les mêmes jouets, avec les mêmes livres, avec... je me suis habituée et puis ça ne me déplaisait pas. Enfin, je veux dire, je n'avais pas conscience du tout de cette anormalité, quoi. Et ce manque d'attachement aux objets me poursuit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus plaisant pour moi que de jeter... et de me débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Il y avait un truc, là, ça me rappelle. C'était incroyable, qui me faisait rire, et j'adorais. Et un petit peu après la guerre, quand la situation n'était pas sûre, les gens, ils voulaient quitter leur maison. Ils vendaient leurs affaires, et ils partaient à l'étranger. Et ils imprimaient, en fait, des feuilles sur lesquelles ils écrivaient « solde, vendre toutes les affaires de la maison pour la cause de l'immigration ». Et en fait, j'adorais ce moment. Mais c'était triste. Les gens, ils vendaient leurs affaires, tout. Les crayons, les stylos, tout. Mais c'était assez audacieux. Quelqu'un qui vend tout pour partir et recommencer de zéro. Tout. Et moi, je me souviens, même une fois, il y avait une famille, des amis de ma mère qui sont partis. Et 6 ans après, ils sont revenus. Et la petite qui était ma copine, me l'a récupérée. Et récupérer, je sais pas, c'était une sorte d'un jouet, mais pour mettre les crayons. C'était un hérisson en caoutchouc. J'ai dit, mais c'est à moi, tu m'as vendu. Moi, je savais pas que tu vas revenir. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom, und diese Pfütze, das Meer. Il y avait des rumeurs qui disaient il va y avoir une rape. On ne savait pas si c'était vrai. Dans les années... Vous aviez quel âge ? Moi, 14 ans. Et, mais là, pour le 16 juillet, elle s'est révélée, fondée. Et mon père dit, écoute, à Ozoir-la-Ferrière, il dit à ma mère, on a une maison, Yankel, c'est moi, on lui dit, Jacques, toi et moi, on va se cacher là-bas. Et mon père m'a sauvé la vie ce soir-là, parce qu'on est parti le 15 au soir à Ozoir, et le lendemain, ma mère s'est fait arrêter avec 13 000 femmes et enfants. dans le quartier. C'était des scènes terribles. Il y a des femmes qui se sont jetées par la fenêtre. C'était des hurlements. Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich und warum nicht du? Warum bin ich hier? Alors, on était cachés. Comment on vivait? Quand il y avait du muguet, on ramassait le muguet et on connaissait des gens qui acceptaient de nous payer si on leur donnait des bottes qui étaient vendues à Paris. On allait donner des coups de main dans les fermes quand c'était la période des pommes, la période dont... Voilà. Et il nous arrivait de vivre avec rien du tout. Avec rien du tout. Quand je dis j'ai connu la faim, c'était la faim, la vraie, vraie faim. Où j'ai mis des pièges à lapins, j'ai réussi à en piquer un une fois. Bon, enfin, c'était dur. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit une rivière et la rivière un fleuve, et que cette flaque d'eau soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Ce qui vous faisait peur chez les militaires, c'était leur apparence, leur uniforme, leurs armes. Ils criaient tout le temps. Oui. Et puis, j'étais tout petit. Mehdi. Peut-être que la première fois que je les ai vus, c'est quand ils sont venus dans la cour de notre maison, à notre gourbi en montagne. C'était pour voir si on avait des semences, si on avait du blé, si on avait ci, parce qu'ils mettaient du gasoil dessus pour pas qu'on le mange. Ma mère, elle faisait les bêter pour pas qu'ils l'apprennent, parce que elle était très belle. Ma mère était très très belle. Quand il arrivait, elle me prenait dans ses bras, elle était assise par terre, hein. Elle me mettait entre ses cuisses, comme ça, là. Elle pilait, et elle faisait un peu la bébête. Ouais. Alors elle faisait un truc, je lui ai demandé 20 ans après pourquoi elle faisait ça. Elle crachait dans ses mains, et elle faisait de la poussière, comme ça, puis elle en mettait partout, pour pas montrer sa beauté. Et elle faisait ça, et elle commençait à taper. Alors les militaires, ils pensaient comme ça, puis elle avait peur qu'ils l'embarquent, parce qu'ils en ont pris deux, des femmes. Ils allaient les violer dans les monts de la montagne, quoi. Il y en a une qui est jamais revenue. Une gamine, et puis une autre qui est revenue cinglée, folle, quoi. Et ma mère l'avait très peur quand on les voyait arriver. Alors des fois, nos chiens aboyaient, on les voyait arriver de loin, la poussière des voitures et tout. Alors ils ont tué tous les chiens. Les seuls moments où j'ai un peu peur, c'est quand il faut s'arrêter devant les soldats. Ils demandent souvent où on va et je ne vois pas bien ce que ça peut bien avoir comme importance. Ils demandent aussi les papiers d'identité, et ça non plus, je ne comprends pas bien pourquoi. Je ne vois pas ce que ça peut leur faire de savoir comment on s'appelle et quand on est né. Parfois, ils crient sur mon géant, et il n'y a rien que je déteste plus au monde qu'on crie sur mon père. Alors moi, je me méfie et je ne les aime pas. C'est-à-dire que les parents qui sont la chose la plus rassurante, on les voit se morceler. Littéralement devant nous. Les enfants ne sont pas stupides, ils voient bien que les adultes sont complètement en panique, ils sont complètement détruits de l'intérieur, ils sont complètement nus, ils sont complètement à découvert dans cette violence ambiante. Et là, je ne sais pas si je peux me permettre, mais pendant une guerre civile, c'est extrêmement particulier, parce que c'est ces gens-là parmi lesquels on vivait en temps de paix, qui sont vous et moi, qui prennent les armes. C'est-à-dire que on ne s'attend pas à ce que telle ou telle personne qu'on connaissait avant soit capable de tuer, soit capable de torturer pour participer à ce vaste bordel, pour réutiliser l'expression du père. Je vois ce monde d'adultes devenir fou et ce monde d'adultes qui est censé être ce qu'il y a de plus rassurant est complètement effondré. On avait très peur la nuit. Et moi, j'en ai beaucoup voulu à mon père d'être dans l'immigration à ce moment-là. Je l'en voulais beaucoup. Et je me suis même mis à le nier. Oui, à force, oui. Parce qu'à un moment, on a tellement peur, on se sent tellement seul, tellement abandonné, que les gens qui nous ont abandonnés, on peut plus les aimer puisqu'ils nous ont abandonnés. Et moi, j'avais ce ressentiment vers mon père. Quand on est arrivé, je l'avais pas vu pendant des années. Et il nous a fait venir en France. On est arrivé à la gare d'Austerlitz avec ma maman, mes deux frères et une petite sœur que ma mère tenait dans ses bras. J'étais pas content de le voir. Je l'en voulais. Je lui en voulais de ne pas avoir assisté, de ne pas avoir été avec nous dans toutes ces peurs, dans toutes ces cauchemars. Parce que je me disais, en France, il n'y avait pas la guerre, donc il ne souffrait pas comme on a souffert. Et la mère, elle nous a tenus dans ses bras pendant la guerre, on a vu des choses horribles avec elle. Avec lui, on a l'impression que c'est ça qui... J'allais dire qu'il me manque, c'est incroyable. J'allais vous dire, ce qui me manque, c'est de pas avoir vu la guerre ou vécu la guerre avec mon père. C'est horrible à dire, mais c'est... J'aurais eu moins peur, peut-être. J'aurais peut-être été très content de dire, mon père, il est courageux. Il m'a pris dans ses bras. Et puis, il a couru pour me sauver, quoi. Non, on allait vers une femme. Et c'est une femme qui venait vers nous. C'était pas mon père. Quand on avait très faim, on allait voler le raisin chez le colon, la nuit, avec ma mère. Elle nous disait « Alwaho », moi et mon frère. Alors on sortait. Ça veut dire quoi ?« Alwaho », c'est « venez ». Et on allait la nuit, on détournait les buissons qui avaient des piquants terribles là, pour entrer dans la vigne, parce que la vigne était protégée par des... Et ma mère nous disait « Montez ». Elle a remonté par un poteau, on allait chercher des grappes de raisin, parce qu'elle voulait plus voir cet enfant qui avait faim. Elle disait, on mangera du raisin ce soir. C'est pas mon père qui a vécu ça. Ça se trouve, personne ne lui a jamais dit. Parce que moi, je l'ai dit dans mes livres, mais mon père, il sait pas lire. Vis-à-vis de mes parents et mon petit frère, je m'étais donné comme mission de les protéger au mieux. Et du coup, de ne pas trop parler de ce qui me chagrine, ouais. de ne pas en rajouter sur leur souffrance. Je pense que je m'étais enfermée dans une sorte de mutisme je me disais que qu'il n'y avait pas besoin de mes caprices, entre guillemets, en plus, quoi. Et puis c'est devenu une sorte de mécanisme dans lequel je me suis enfermée. Dire ne pas parler non plus avec les copains dans la cour de l'école, ne pas parler avec les enfants des voisins, jouer, mais ne pas se confier, non. Ce qu'on a fait avec ma mère, et comme elle est devenue folle, parce que on a perdu une sœur là-bas, et ça l'a rendue cinglée, folle. Elle avait plus peur à un moment. Elle voulait enterrer les morts. Parce que son frère a été tué comme ça, dans une embuscade avec le militaire français en pleine montagne. Quand il y avait des embuscades, quand il y avait des grosses embuscades entre militaires français et Moudjahidine, entre rebelles, elle courait. Pour enterrer les morts. Et on arrivait dans la montagne, on courait sur les ronces, sur les cailloux, sur les pierres. On courait pieds nus. Hein. Et vous couriez derrière? Ah oui, il fallait absolument que je sois là pour sa bonne réputation. Il fallait pas que... Parce que mon père était en France, donc c'était moi comme qui la surveillait. Et elle fonçait, on trouvait, oui. Les soldats français nous insultaient de loin, moi je m'y attendais. Ils étaient sur les... cachés derrière les jeeps, cachés derrière leurs camions, et puis tirés vers l'endroit où les rebelles étaient cachés. Alors au début, elle hésitait, puis à un moment, on arrivait toujours à passer. Entre les tirs? Oui, oui, sur les côtés, on passait, puis elle regardait s'il n'y avait pas des morts. Évidemment, elle ne pouvait pas aller les chercher tout de suite, parce que ça bastonnait encore, et c'est quand ça se calmait. Donc finalement, vous aviez plus peur pour votre mère que pour vous? C'est drôle que vous dites ça. Ben oui, je crois que vous avez tout compris. Quand on a un père qui est dans l'immigration, qui est absent, qui c'est qui se prend pour le mari, pour l'époux, pour le chef, c'est le petit enfant. Donc j'avais peur pour elle. C'est moi qui devais la protéger. Alors j'avais 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et puis plus tard, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ben oui. C'est ma femme. et peut-être même content que le père soit plus là. Ben oui, c'est la mienne. J'essaye toujours de refaire ma queue de cheval bien comme il faut pour que le géant me trouve jolie en arrivant. C'est aussi pour ça que je suis bien contente de ne pas pleurer. Je ne voudrais pas qu'il me voie pleurer. Je veux être jolie et souriante. Encore une fois, je veux qu'il soit content de me voir, qu'il ne s'inquiète pas. Elle cherche beaucoup à protéger les siens aussi. Je sens le timbre dans leur voix quand ils disent « les enfants, baissez vos têtes dans la voiture ». Je veux dire, les enfants sont... Ils ont une intelligence extrêmement instinctive, donc je savais, puis j'ai grandi pendant la guerre jusqu'à mes 12 ans, c'est vieux 12 ans, j'ai vraiment absolument tout compris de ce qui m'entourait, et même ce qu'on me disait pas, c'est-à-dire le simple fait de dire les enfants c'est l'heure du journal, allez au lit, on a envie de répondre mais on est déjà au courant de tout. Donc les parents, ils ont beau essayer de protéger les enfants comme ils veulent, sortir des blagues, les amener se promener en bord de mer. Et vous savez, dire à un enfant en ayant peur, ne t'inquiète pas, tout va bien, ça ne marche absolument pas. Je veux dire, les enfants, ils ressentent tout, ils savent tout, ils voient des corps, ils entendent les bombes siffler, c'est les mains qui tremblent, c'est la voix qui tremble. C'est les gouttes de sueur qu'elle voit perler sur le front du père qui essaie d'aller à son rythme parce qu'elle est encore toute petite. Il essaie d'aller à son rythme, à ne pas presser le pas pour la rassurer, mais c'en est que plus criant parce qu'elle voit bien que ça s'agite partout autour d'elle, que ça hurle, que les bagnoles klaxonnent, que tout le monde veut sortir le plus vite possible de la zone de danger. Donc... il a beau lui dire on ira manger une glace, enfin je veux dire c'en est presque risible quoi. C'est elle sent très bien parce qu'elle ne voit pas ses parents s'écrouler au sens propre du terme. Ses parents ils ont un métier et ils vont au boulot, ils font ce qu'il faut quand il faut. Je veux dire ils font bonne figure, mais elle sait parfaitement qu'ils sont complètement en vrac. Et qu'ils sont, détruits, ils sont complètement détruits de l'intérieur. Et ils continuent à l'être après la guerre, évidemment. C'est-à-dire cette destruction-là, elle est définitive, quoi. C'est une femme qui cachait trois rebelles au fond d'un puits, et c'est là qu'elle leur envoyait à manger, à boire, et puis la nuit, ils sortaient pour aller se battre. Pour l'exemple, ils l'ont fusillée. Après, ils l'ont pendue pour que les gens la voient de loin. C'était la femme du frère de ma maman. Ouais. Alors moi, au début, j'ai regardé. Elle a dénoué la corde et puis après, elle s'est mise à la désert. Bon, je regardais plus parce qu'un enfant, il se protège. J'aurais pas pu supporter. Elle se protège, il regarde juste qu'est-ce qu'on est venu faire, et après il veut plus voir. Parce que s'il voyait tout ce qui se passait chaque fois, même s'il a 4 ans, même s'il a 5 ans, il sait qu'il peut devenir fou. C'est trop horrible. Maintenant, je sais ce que c'est. Le mot, on dit traumatisme. Ben, quand on est petit, on ne sait pas qu'il faut dire traumatisme. On dit seulement c'est une grosse peur. Et je me protégeais, donc je n'ai pas voulu voir la fin. Elle l'a déshabillée, elle l'a lavée, elle l'a maquillée, elle lui a mis sa plus belle robe. Et puis je me suis retourné, c'était plus la même femme qui était par terre. Ouais. Juste à côté de mon mur, il y a un grand bac de terre où poussent différentes fleurs dont je ne connais pas le nom. J'aime bien observer les pétales de près et caresser les feuilles. Ça m'occupe, et c'est comme si toucher les fleurs rendait les cris de mes camarades moins stridents. Si vous regardez mon petit balcon, vous voyez, il y a toute une petite jungle qui pousse. Je pense que les plantes, c'est un refuge, oui. Et puis cette manière de les arroser, de s'en occuper, de les surinvestir, si j'ose dire, pour se souvenir qu'on est vivant. Il ne faut pas oublier que la mort est présente à chaque instant, partout, quotidiennement. Donc il y a cette vie qu'on essaye de faire pousser dans le champ de ruines de la mort. Et en même temps, c'est s'acharner à cultiver pas seulement ce qui est en vie, mais ce qui est beau dans beaucoup de laideurs ambiantes. Et laideur, c'est un euphémisme. Et aussi parce que ça bouge tout le temps. On n'est jamais chez nous, on fuit d'endroit en endroit. Les plantes sont là pour faire illusion de sédentarité, quoi. En fait, on avait un truc, une bombe qui était tombée dans le jardin où mes grands-parents ils habitaient un moment. Mais c'était drôle parce que pendant des années, la bombe était là, la bombe était explosée, il n'y avait rien, il y avait juste une forme sur laquelle les plantes sont poussées. C'est comme une sculpture qui a été faite par un artiste dans une maison privée. 15 ans de guerre civile, c'est très long. On finit par croire qu'on vit une vie normale avec une espèce de décor de fond un peu anormal qui est cette guerre. De jour en jour, on finit par s'habituer à ces circonstances-là qui sont complètement, complètement folles, quoi. Et ça rend fou ? Moi, je pense que ça rend fou, oui, bien sûr. C'est très perturbant de se dire que ces personnes-là qui ont fait la guerre, et qui sont beaucoup, ou qui ont participé, ce sont les mêmes avec lesquels on vivait en temps de paix. La norme devient de pouvoir écouter quelqu'un dire « j'espère qu'ils le tortureront bien, j'espère qu'il va bien payer », de se dire « on est capable de ce niveau-là d'inhumanité ». Sauf les quelques exilés et les quelques perdus dont je parle et qui finissent par en payer le prix. C'est-à-dire ceux qui s'acclimatent le moins sont ceux qui payent le plus cher. C'est ceux qui ne se sont pas habitués. C'est ceux qui ressentent au plus profond de leur chair et de leur âme l'absurdité de la situation qu'ils vivent et l'horreur des actes qui sont commis par les leurs. C'est-à-dire quand ils voient de quoi sont capables les leurs, ils se sentent plus que étrangers. J'étais un moujahidine avant tous les autres. Mais oui, j'étais un rebelle avant tous les autres, avant... Je l'ai été, attendez. J'avais 6 ans, et puis j'avais peur. Moi, ce qui me faisait peur surtout, c'est la traction noire. C'est parce qu'avec celle-là, qui venait chercher les gens chez eux et pour aller les amener sous la torture, ils étaient habillés avec des grands par-dessus, beige, et des chapeaux noirs, comme la police française qui venait embarquer les Juifs à Paris. Il me faisait peur. Quand ils arrivaient chez quelqu'un, c'était terrible. On entendait crier parce que quelqu'un, ils emmenaient quelqu'un, je ne sais pas où. Et cette traction noire, quand elle passait au milieu du village, à toute allure, je détestais. On jouait au football tranquillement avec mes potes, dans une rue. Et puis j'entends un moteur. Tout de suite, je reconnais celui de la traction. Et je deviens fou. Parce que j'en pouvais plus de les voir faire du mal comme ça. Je me remplis les poches de cailloux. Je cours vers l'endroit où cette voiture va passer. Je la vois arriver au loin. Je sors mes cailloux et presque larmes aux yeux. Je m'approche le plus près possible pour pas la rater. Et je la caillasse à mort. À mort. J'avais 6 ans. J'étais content. Et je m'enfuis. J'entends crissement des pneus. Ils freinent, ils sortent, ils hurlent. Puis bref, moi, avec tous mes tout petits pieds, je courais. Puis quand j'ai senti que j'étais à l'abri, je me suis retourné, je les ai vus de loin. Ils me regardaient, ils hurlaient, tout le monde s'est arrêté dans la rue. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai été le premier moujahidine en Algérie. J'avais une trouille, je tremblais de partout, mais je l'avais fait. C'était barrez-vous, cassez-vous. Ouais. Si j'avais une mitraille, j'aurais tiré, j'aurais tué. Je les aurais tués. Vous êtes sûr de ça? Oui. J'ai envie qu'il s'en aille. Peut-être que ça vient du fait que mon père était berger à un moment. Donc, ils amenaient leurs troupeaux dans les champs des colons. Parce que c'était fertile, parce qu'il y avait de l'eau. Et pour cela, il fallait la nuit. Il fallait faire brouter les vaches pendant au moins 2 heures, 3 heures pour qu'ils aient renvoi. Parce que la journée, il y avait très peu d'herbe là où ils les amenaient. Et il était surpris en rentrant au couvre-feu. Ils l'ont tiré dessus, ils l'ont couru dessus avec coups de mitraillette. Dans plein de rues, ils l'ont pas eu. Par deux fois. Ils voulaient les tuer. Donc pourquoi que moi, c'est pas parce que j'ai 6 ans que j'aurais pas le droit de les tuer. Je sais pas. Je sais pas. Et un jour que tout le monde était dispersé pour régler ses problèmes alimentaires, il y a une fille que je connaissais, avec qui j'ai joué quand j'étais enfant, qui arrive sur le cadre d'un vélo où il y a un Allemand. Et par la fenêtre, je vois la fille montrer ma maison. Et l'Allemand rentre, demande les papiers à mon père, et mon père lui montre ses papiers. Moi, j'étais dans la pièce. Et puis, il s'en va, et une demi-heure après, il revient avec 4 Allemands, casquier armé, et mon père rentre prendre sa une veste, et il me fait « chut ». Il ferme la porte, et j'entends l'Allemand lui dire « mais vous fermez pas à clé », et mon père lui répond « Mais je n'ai rien à me reprocher, je suis sûr que dans une demi-heure, je vais revenir. » Et c'est là qu'il traverse tout osoir, les 2,5 km, entre la population, qui n'ont rien manifesté, pas de compassion. Et moi, je me trouve tout seul, et je traverse le village derrière lui, entouré en pleurs. Entouré des 4 Allemands. Lui, il était au milieu des 4 Allemands, oui. Donc, il traverse la ville. Il y a un enfant, un ado de 14 ans, qui pleure les larmes de son corps, et qui suit comme ça, et les gens ne disent rien. Mais les gens, ils étaient où? Ils étaient sur le pas de leur pavillon, là. C'était une route de terre. C'était même pas goudronné. Ils disaient rien. Et il y a un gars, c'était le coiffeur du pays. Il a posé la main sur mon épaule, il a dit « Viens avec moi, si tu suis ton père, tu vas te faire arrêter. Ça n'avancera rien. S'il y a du pain pour moi, il y en aura pour toi. » Et alors il m'a amené chez lui. Et mon père est donc resté dans sa prison pendant 3 jours. Et quand il est revenu, il a compris tout de suite que c'était le seul endroit où il pouvait me retrouver. Ces gens-là qui ont cette tristesse, cette mélancolie, sont des personnes qui sont extrêmement positifs, sont de grands utopistes qui se sont cognés au mur de l'absurdité de la vie. Et de ce que l'homme est capable de faire. Et je pense que c'est ce qui fait ce profond sentiment d'absurdité, mais d'où naît aussi la révolte, qui est la seule réponse positive finalement qu'on peut apporter à ce choc qu'il y a entre notre profonde poésie de la vie, notre profonde manière positive de vouloir le monde, qui se cogne à ce chaos et à cette violence et à cette absurdité. Il n'y a qu'une réponse possible. Ça peut être la révolte dans un engagement quelconque, mais en tout cas, mon engagement à moi, ça a été le geste créatif, quoi. Je vais vous dire, j'avais 16 ans, mais tous les jeunes de mon âge, les survivants, ils avaient une maturité infiniment plus grande que les jeunes de 16 ans qui n'ont pas eu ce vécu. La guerre. Survivre, se planquer, se cacher, trouver à manger, faire la distinction quand les gens passent. C'est l'ami, c'est l'ennemi. Ça mûrit, ça donne une expérience infiniment plus grande que celui qui n'a pas vécu. Nous, notre expérience de vécu nous a enrichis. Il a fallu trouver des solutions. Et ceux qui n'ont pas trouvé de solution, ils sont morts. Les souvenirs de la guerre, c'est une sorte de mélancolie. Quelquefois, je dis, j'aurais pu vivre ce moment autrement, ou j'aurais pu avoir un passé différent. Et ça m'a poussé à décoller de la terre du moment pendant quelques minutes et quelques secondes, et être dans une sorte de pensée poétique et triste en même temps, qu'on l'appelle mélancolie. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce que je suis moi? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas toi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas ailleurs? Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve? Moi, je me sentais vraiment indigène. Ah oui, très tôt. D'abord parce que j'aurais voulu aller à l'école, je pouvais pas. J'aurais bien voulu avoir un cahier sous le bras, une belle chemise à bras le corps, comme ça, à la sortir, parce qu'ils avaient et un short comme les autres. C'est con d'être pauvre à ce point-là, mais c'est... Et puis après, on veut à tout le monde. Je commençais à avoir la rage. Quand vous m'avez dit pourquoi vous êtes venu à écrire, c'est parce que j'avais la rage. C'est cette rage-là qui se... Rage. Rage en arabe, c'est en arabe, hein, rage. Rage, qui veut dire poison. Il y a du poison là-dedans. Alors ce poison-là, soit on l'utilise comme certaines bêtes pour piquer l'autre, soit on l'utilise contre soi-même. J'attendais le moment de le sortir, ce poison, qui ne m'empoisonne plus. C'est pour ça que, à un moment, j'allais mal, quoi. J'étais très très mal, oui. Parce que petit, j'ai compris que quand on est arrivé en France, qu'on n'était pas venu parce que l'État français voulait récompenser nos pères d'avoir très bien travaillé et leur donner l'autorisation de faire venir leurs épouses, leurs enfants. C'était pas une récompense, c'est parce que ils se sont dit les parents ils vont partir en retraite, il faut les remplacer parce qu'il y avait beaucoup de travail et ils se sont dit on va chercher leurs enfants. Et moi je suis redevenu indigène quand je l'ai appris. J'ai compris ça, j'avais 13 ans. La colère, c'est la vie. La révolte, c'est la vie. La révolte, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le désespoir. La révolte, c'est la seule réponse saine à l'absurdité de la situation. Est-ce que vous préféreriez oublier tout ça? Quand on est petit, oui. Mais quand on est grand, non. Déjà à l'adolescence, on ne veut plus oublier. Parce que c'est ce qui fait ce que je suis. Et que je comprends mieux qui je suis en me rappelant, en posant des questions à ma mère. Pas à mon père, il n'aime pas trop qu'on parle de cette période. On en parle. Parce que c'est comme ça je comprends que je sois différent. Moi, en tant qu'écrivain et en tant que personne, c'est une fois que j'ai vécu cette révolte au plus profond de moi, où j'en ai pris conscience et où je l'ai assumée, que j'ai senti une espèce, j'aime pas du tout ce mot, mais où j'ai senti une espèce de début de guérison. Et puis on a même envie de dire, ça m'appartient, je veux pas qu'on y touche. C'est ma vie, mon vieux. Même si j'en ai chié, même si c'est à moi, c'est ma souffrance, c'est mes angoisses, c'est mes traumatismes, ils sont à moi. Et c'est devenu une force? C'est devenu un langage. Parce que j'ai mis à mettre... Oh, putain, c'est dur. Vous allez me faire pleurer. Parce que si je vous dis qu'ils m'appartiennent, c'est que je les ai révisés, je les ai revus, je les ai réécoutés. Donc je les ai acceptés. Et donc pour ça, j'ai mis des mots dessus. Et si je mets des mots dessus, il y a un langage. Et s'il y a un langage, c'est que j'ai pu écrire. C'est comme ça. Ça doit être peut-être dans cet ordre-là. C'est peut-être comme ça qu'on se met à parler, on apprend à parler. Peut-être qu'on doit commencer que parce qu'il nous a fait du mal, et puis après on... Et peut-être même qu'on s'en glorifie d'avoir ces mots, même s'ils sont douloureux. Ouais, de dire, quand je vais les dire, quand je vais les écrire, personne n'aura jamais écrit ça avant moi. Eh oui, mon petit bonhomme. Je pense que douter, c'est presque le synonyme d'être libre. C'est-à-dire ne pas suivre une cause parce que c'est celle des nôtres, ne pas suivre les phalangistes parce que je suis née au sud Liban, je suis censée être de telle milice, et dire ben non, je ne vais pas y aller parce que tous les miens y sont allés, je ne vais pas y aller pour être mieux protégée, je ne vais pas y aller pour mieux protéger mes enfants. Parce que cette cause-là n'est pas la mienne, je ne m'y reconnais pas. Cette cause-là, elle me fait douter. Le doute, je pense que c'est primordial. Je veux dire, c'est ce qui fait la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui fait, enfin, le doute, c'est ce qui nous sauve. Je continue à voir la valeur des faibles, des brisés, des échoués, des lâches. Je continue à pardonner aux impardonnables. Je continue à aimer les adventices, ceux qui s'acharnent à pousser dans l'improbable, ceux qui, dans un effort démesuré, arrivent à pousser sur un minuscule substrat entre le béton et le bitume des villes hostiles. Je continue à deviner dans les mauvaises herbes des arbres bientôt immenses. J'aime ceux qui poussent de leur propre chef, qui se moquent bien des qualificatifs qu'on leur donne et qui ont la grâce de la désobéissance. Ceux qui inventent des nouveaux substrats et un oxygène hybride, ceux qui remettent en question par leur simple présence tout le terreau souillé sur lequel le monde pousse. J'aime de plus en plus les gens qui doutent, ceux qui prennent toujours une petite inspiration avant de se précipiter pour répondre. J'aime qu'ils prennent cette inspiration qui connaît le poids des mots et l'importance du sens. Je leur trouve de plus en plus d'élégance. J'aime les gens qui doutent, hésitent et osent se poser trop de questions. J'aime les gens qui se trompent et tombent. C'était Grandir avec la guerre, la mélancolie des bombardements. Avec Rezvan Farsijani, Elika Hedayat et des extraits de son film Jeux d'enfants, Dima Abdallah, Jacques Planchberg, Mehdi Sharef. Merci à Bahar McCoy, Lydia Hadj, Antoine Rivière, Jacques-Olivier David. Prise de son, Yvan Charby, Sébastien Huel, mixage, Benjamin Vignal, production, Perrine Kervran, Marivonne Bolivier, Mathias Méji, un documentaire de Pauline Mocor et Véronique Samouilov.